Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 18 janvier 2022 et c'est le numéro 259. Coup de tonnerre, cet après-midi, Microsoft annonce le rachat de la société Activision Blizzard pour un montant incroyable, près de 70 milliards de dollars. On va en parler en tout début d'émission. On va parler aussi de géopolitique, notamment avec les actions de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi auprès du groupe de ransomware Revil sur son sol, de Pegasus qui a officié au Salvador. On parlera également de composants informatiques avec du suivi, notamment du rachat de ARM par Nvidia, qui est très favorable à ce rachat de son côté. Et d'autres sujets autour des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver celui qui est à l'ActuTech, ce que sont les rachats dans le monde du jeu vidéo pour Microsoft. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Voilà, historique mais avec une tendance à l'obésité quand même. On va faire attention à pas que tu prennes trop de poids, Guillaume, avec nous. On a également l'immense plaisir d'être accompagné par le talent de la jeune génération du podcast aux manettes d'un autre podcast sur la tech, Deep Tech. C'est Baptiste Freit. Salut Baptiste, merci de te joindre à nous aussi. Salut Guillaume, bah, grand plaisir de venir. Comme je disais la dernière fois dans ReLive, quand je viens ici, je mets les pieds sous la table, j'attends et j'interviens. C'est parfait, vraiment. Ah bah écoute, c'est très agréable de savoir que tu es à l'aise. Installe-toi confortablement. Et puis en plus, on est en bonne compagnie parce que spécifiquement pour parler avec nous de ce rachat massif, il paraît qu'il produit des ondes gravitationnelles à l'autre bout de l'univers au moment où je vous parle, donc tenez-vous bien. Nous serons accompagnés par une figure de l'actualité autour de Microsoft et engagée dans les jeux vidéo, journaliste chez Frandroid, qui de mieux pour aborder ce sujet avec nous que Kassim Ketfi. Salut Kassim. Salut. Oui, il paraît qu'il y a eu une petite info. Il y a une petite info cet après-midi et on avait un conducteur qui était bien prêt, bien complet, mais il nous a semblé essentiel quand même de parler un petit peu de ce sujet parce que ça ferait peut-être un petit peu réchauffer dans une semaine et voilà, c'était pertinent d'en parler maintenant. Mais avant de dévorer vos news, je voudrais vous rappeler que tout simplement Tech Café peut être soutenu sur patreon.com/techcafé. C'est une plateforme de financement participatif régulière. Ça vous permettra tout simplement de profiter d'un abonnement privé au podcast sans la pub et avec le chapitrage, et en plus pour une somme tout à fait modique, je vous laisserai découvrir, mais grosso modo c'est le prix d'un café à Paris par épisode, donc je pense que très clairement c'est tout à fait accessible. Foncez donc soutenir le podcast et garantissez-vous une émission encore très très longtemps. Merci en particulier à Stan Ribaud, Arnaud, Jérémy Bravo et Antoine Pointeau qui ont rejoint la galaxie des soutiens à Tech Café sur Patreon. Et puis bien entendu, un incontournable avis Apple Podcast. Vous savez, c'est la tradition, on en cite un au début de chaque émission. Là, c'est Cèdre qui a dit un très bon podcast sur la tech, analyse pertinente avec un duo de choc complémentaire. Bon, et vous voyez que c'est pas que le duo de choc, il y a aussi d'autres voix de temps en temps. Les explications de Guillaume Pogdiaspala sont à la fois pointues et accessibles, indispensable dose de tech hebdomadaire. Merci beaucoup à toi Cèdre et merci beaucoup à vous si vous avez l'occasion d'aller déposer quelques étoiles sur Apple Podcast, ça fait évidemment très plaisir. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, vous êtes aussi les heureux privilégiés d'une fonctionnalité qui est arrivée donc sur Spotify qui permet là aussi de mettre un nombre d'étoiles, pas forcément de commentaires, mais il suffit d'avoir écouté un épisode de Tech Café et puis je pense même que vous n'êtes même pas obligé de l'écouter en entier, donc c'est vraiment hyper accessible et vous pouvez dire tout le bien que vous pensez de ce podcast aussi sur Spotify. Sans autre forme de procès, l'actu du jour, c'est peut-être de la semaine, peut-être de ce début d'année, allez savoir, c'est le rachat qui a été annoncé par Microsoft cet après-midi, sans tambour ni trompette, qui donc rachète Activision Blizzard. D'ailleurs, c'est Activision, Activision Blizzard King. On oublie de citer à chaque fois là-dedans Candy Crush et tous les autres jeux qu'il y a derrière King. Pour un montant, et ça fait déjà en soi une partie de la nouvelle, c'est près de 70 milliards de dollars. Je voyais des comparatifs passer sur Twitter. Je trouvais qu'un des plus pertinents, c'était le rachat de la licence Star Wars par Disney. Il faut savoir que Star Wars, c'est, je crois, la cinquième licence la plus profitable au monde. Et le montant du rachat, il était de seulement 4 milliards de dollars. Donc, ça vous donne un petit peu une étendue du montant du rachat. Quand on voyait les informations possibles de Microsoft qui rachèterait cette entreprise, c'était vraiment des spéculations complètement hasardeuses dans les fins fonds de Reddit et dans les fins fonds des commentaires qui étaient très rarement pris au sérieux. Bon, vous voyez, tout arrive. On a eu un faire-part de naissance dans la foulée bien entendu de la part de Microsoft qui va en profiter pour quelque part réorganiser un petit peu sa partie gaming pour s'appeler Microsoft Gaming, je trouve que le nom est extrêmement explicite, qui va intégrer un nouvel organigramme avec tout en haut à la tête Phil Spencer, hein, qui est le patron de Xbox et qui donc devient CEO de Microsoft Gaming. C'est aussi donc une partie de réorganisation pour Microsoft qui va arriver avec l'intégration de cette entreprise. Kassim, tu es là avec un tapis rouge tout dévoilé. Tu as relayé cette info cet après-midi. Tu l'as évidemment vu passer. Elle t'a donné un coup de massue, j'en doute pas. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes observations et puis les choses qui seraient importantes de souligner pour nos auditeurs ? Oula, ouais. Il y a tellement de choses à dire. T'as vu, à chaque fois, je te livre des packages de questions et je te laisse piocher dedans. Il y a tellement de choses à dire. Déjà, bon, on a mis, je pense qu'on a bien mis 5 à 10 minutes. Enfin, mes collègues m'ont vu faire... m'ont vu être interloqué pendant 5 à 10 minutes à la rédaction parce que l'information a d'abord été une fuite venant de Wall Street Journal avant d'être confirmée par Bloomberg, avant d'être confirmée par le communiqué de presse officiel dans les minutes qui ont suivi. Alors la première chose qu'il faudrait dire déjà, c'est que le rachat il ne sera pas finalisé avant l'année fiscale 2023 de Microsoft, ce qui correspond en gros à entre juillet de cette année et juillet 2023. Donc en gros, d'ici là, il faut qu'ils passent par tous les organismes de validation en termes de concurrence, etc. Donc le rachat est finalement pas fait pour l'instant. Activision Blizzard King reste indépendant. Bien sûr. Mais une fois le rachat validé, s'il est validé, là on peut parler de pas mal de choses qui vont changer. Et pour moi, le plus important, il y a mille façons de prendre le truc. Il y a le fait que en ce moment, depuis deux ans. Un peu plus de deux ans, le secteur du jeu vidéo est en pleine consolidation. Et plus ça va, plus les rachats sont énormes. Il y a une semaine, il y a Take-Two qui rachetait Zynga et qui devenait le plus gros rachat du jeu vidéo pour 12 milliards de dollars. Et dans l'espace d'une semaine, on passe d'un coup à 70 milliards de dollars pour racheter Activision Blizzard King. Évidemment, c'est le rachat de beaucoup de licences, c'est ce qui fait le nerf de la guerre en ce moment, parce que tous les acteurs ont bien vu ce qui s'était passé du côté des séries télé. Tu citais Disney. Disney a racheté énormément de licences, pas que Star Wars, il y avait aussi le rachat de la Fox pour près de 70 milliards de dollars aussi. Donc l'enjeu de tout ça, c'est les licences, c'est quel super-héros, quel personnage tu possèdes. Avec ce rachat, ils rachètent Warcraft, ils rachètent Starcraft, Overwatch, ils rachètent Call of Duty, évidemment. Donc c'est des énormes licences. Mais au-delà de tout ça, sur des points sur lesquels on peut revenir éventuellement, mais surtout... fondamentalement, c'est un des points que je voulais relever moi dans mon article, c'est surtout Activision Blizzard avait besoin d'être sauvé de lui-même, et c'est ça le nerf vraiment du sujet là, c'est que ça fait plus de 6 mois que Activision Blizzard est au centre d'enquête très sérieuse de la presse concernant beaucoup de problèmes de harcèlement, de RH au sein de la boîte jusqu'au patron, et c'est ça le problème, c'est le patron Bobby Kotick qui était à la tête de la boîte. Qui est toujours qui à la tête. Qui incarne ce climat un peu toxique. Qui incarne ce climat un peu toxique jusqu'à menacer de mort une de ses employés. Donc on est allé jusque là quand même. Et Microsoft, Nintendo et Sony avaient un peu vraiment froncé des sourcils, on va dire publiquement et médiatiquement. Et il y avait eu une sorte de force médiatique à un moment donné. Où Activision Blizzard était au centre de tout ça et on demandait vraiment à ce que Bobby Kotick soit dégagé de la boîte, et ça ne s'est pas fait. Et dès lors, moi je vois, enfin j'ai l'impression que la seule éventualité qui restait pour sauver la boîte en termes humains, c'est vraiment, j'ai l'impression que finalement le rachat était peut-être la seule façon de sauver l'entreprise, mais c'était complètement impossible à imaginer. Alors rien n'est encore fait, et Microsoft c'est pas la boîte non plus, c'est pas le paradis sur terre non plus, mais clairement dans le communiqué de presse à plusieurs reprises en sous-texte, Microsoft est clair sur le fait que déjà d'une part Bobby Kotick va dégager le plus vite possible, et donc il confirme qu'il va rester patron tant que ça reste indépendant, mais à la seconde où le rachat est finalisé, Activision Blizzard devient passe sous la tutelle de Phil Spencer, ce qui veut dire que, par définition, il est plus patron, Bobby Kotick. Au passage, il y a un tableau qui montrait ces différents niveaux de rémunération avec parachute doré selon les conditions. Oui. Et là, ça propulserait son parachute doré à 300 millions, je crois, de dollars, près de 300 millions de dollars, qui toucherait. Ce qui est ignoble, mais encore une fois, enfin, en fait, faut, enfin, moi, je trouve, le résumé que je m'en suis fait, c'est Enfin, c'est soit ce parachute doré de 300 millions et en, au moins on le fait sortir de la boîte et il a plus cette toxicité. Ça n'a pas de prix presque. Et soit en fait il est déjà multimillionnaire, le mec, il est déjà super riche et pour ça l'empêche pas de continuer à être en poste et à être toxique quoi. Donc tant pis, perdu pour perdu en termes d'argent. De toute façon, le mec se fera jamais avoir, se fera jamais poursuivre. C'est comme ça, il va échapper à la justice, mais au moins il aura plus cet impact négatif sur ses employés. Et on peut espérer, il y a aussi un autre moment dans le communiqué de presse où Microsoft explique très clairement qu'il va falloir intégrer Activision Blizzard à la culture d'entreprise de Xbox en misant sur l'inclusivité et l'accessibilité. Donc on comprend, enfin en sous-texte quand même, que ça veut dire qu'il va falloir nettoyer la boîte, quoi. Donc on verra, enfin après rien n'est fait. Ça reste des promesses, le rachat n'est pas finalisé, mais vraiment, il ne faut pas oublier ce point super important. Si le rachat a été fait, c'est aussi, à mon avis, parce que le prix de la boîte a baissé à cause de ces affaires. Tout ça, on ne peut pas retirer en gros l'affaire Activision Blizzard des 6 derniers mois avec ce rachat, quoi. Oui, oui, bien sûr, il faut le rappeler pour le mettre en perspective de ce rachat, ça c'est clair. Merci pour ton regard, Kassim. Baptiste, tout à l'heure j'ai vu le conducteur et je me suis rendu compte que tu avais rajouté en tête de notre rubrique jeux vidéo l'info. Je sais que t'es pas quelqu'un qui a la possibilité de consacrer beaucoup de temps aux jeux vidéo parce que tu es très occupé aussi à ton niveau, mais pour autant c'est une info qui a retenu ton regard et ta veille. Comment tu vois toi ce rachat? Qu'est-ce que ça t'inspire dans le monde du jeu vidéo ou de la tech en général? Je pense que ce qui est vraiment très très intéressant avec ce rachat, c'est vraiment que ça confirme la vision que Microsoft ont d'un futur du jeu vidéo qui va ressembler un peu à la Netflix. On sait que Microsoft, c'est vraiment, ils sont très très gros déjà avec leur Game Pass, et je crois que c'est le plus gros service d'abonnement aux jeux vidéo qui existe aujourd'hui. Et en fait, que si on étend cette vision dans quelques années dans le futur, on se dit que qui est-ce qui va gagner ce combat-là? Parce qu'il y aura probablement d'autres qui auront des abonnements. Sony va probablement étendre le sien. Chaque éditeur a déjà un dans les cartons, pardon. Et donc, naturellement, celui qui va gagner, c'est celui qui a le plus de licences, celui qui a le plus de jeux et dont le package est le plus intéressant. Et clairement, la stratégie pour Microsoft pour gagner dans ce marché-là, à mon avis, c'est de racheter des studios, et on voit c'est ce qu'ils ont fait avec Bethesda il y a quelques mois, maintenant avec Activision Blizzard. Et donc ça, pour moi, ça confirme vraiment cette vision de le futur du jeu vidéo, c'est un futur à la Netflix où t'auras un abonnement t'en auras probablement pas 5 ou 6, et donc il faut être le plus gros. Ouais, et d'ailleurs, c'est un petit peu le propos qu'ils tiennent, hein. Ils veulent que, de toute façon, on puisse accéder à ces univers de jeux vidéo de n'importe où. Et c'est vraiment, effectivement, la vision que tu décris, c'est clairement celle qui transpire de leur stratégie et telle qu'ils l'avaient dessinée, mais aussi de leur communiqué. Guillaume, quand on a échangé brièvement tout à l'heure par message sur ce sujet, je livre pas l'intégralité de nos messages, je garde ça pour notre vie privée, voyons. Ce rachat, toi, tu le vois aussi avec la possibilité d'étendre peut-être un peu trop l'étendue des pouvoirs pour Microsoft dans le monde du jeu vidéo? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'a troué le cul. En fait, je pense que ça m'aurait pas plus troué le cul si j'avais racheté Nintendo. Non, mais tu te rends compte qu'on me plaisante sur le fait que, ouais, Microsoft, ils ont qu'à racheter les concurrents, donc qu'à racheter Nintendo. Ça paraissait être une blague. Là, ils ont pété 70 milliards, presque 70 milliards de dollars dans Activision. Tu sais que Nintendo, sa capitalisation, sa market cap, là, c'est 54 milliards. C'est vrai, la vache. Tu sais que Sony, la capitalisation boursière de Sony, c'est 143 milliards. C'est à peine deux fois plus. Est-ce que tu te rends compte qu'en fait, il aurait pu racheter Nintendo pour moins cher? Ouais. Et d'ailleurs, moi, ce qui me troue le cul encore une deuxième fois, enfin, je veux dire, là, ça va être compliqué, quoi. Une double encoche. C'est ça, c'est que ils ont racheté Blizzard, Activision Blizzard, très cher, en fait. Puisqu'ils l'ont racheté à $95 l'action, en cash. Alors que, je veux dire, son action, elle est à $65 en ce moment. Et en plus, enfin, elle a beaucoup baissé, puisqu'elle a été beaucoup plus haut. Elle a été à $100 en février, puis elle a énormément baissé cet été. Et donc là, elle est dans les $65. Donc en fait, ils ont payé cher, quoi. Alors, 70 milliards, c'est la plus grosse, enfin, je crois, Kassim, c'est la plus grosse acquisition de Microsoft ever. Ah oui, c'est un point important d'ailleurs. Jusqu'à présent, me semble. Hein. Oui, la plus grosse acquisition jusque-là, c'était. LinkedIn. C'était LinkedIn, exactement, pour à peu près 40 milliards de dollars. Et c'est assez significatif aussi, parce qu'on, enfin, je veux le rappeler, c'est fou à penser, mais il y a un peu plus de 4 ans, on va dire, un peu plus de 4 ans, on se demandait si Xbox avait un avenir pour Microsoft, s'ils allaient le revendre, si, enfin voilà, s'ils étaient, c'est vrai. Et si Microsoft était impliqué dans le jeu vidéo, s'ils étaient sérieux avec le jeu vidéo. là, enfin, déjà que le rachat de Bethesda avait un peu conclu cette conversation, là, le rachat, enfin, désormais, le plus gros rachat de Microsoft de son histoire, c'est un rachat dans le jeu vidéo. Donc, ça veut dire quand même quelque chose. Et oui, c'est 2 fois le montant qu'ils avaient mis dans LinkedIn. Après, c'est normal en termes de valeur d'action par rapport à ce que tu rappelais. C'est en fait dès qu'une entreprise est publiquement, enfin, comment dire, enfin, il y a des actions, quoi, on va dire, elle est en bourse. C'est tous les rachats de ce type-là se font à chaque fois en mettant un premium justement pour inciter, enfin pour en fait finir de convaincre. J'aurais pensé qu'ils auraient eu des soldes vu l'ambiance de la boîte, vu le problème, le scandale. Je pensais qu'ils auraient eu un solde. Comme tu le disais, l'action avait déjà baissé dû à l'affaire, donc je pense que globalement ça aurait été, ils l'ont eu en solde par rapport à ce qu'ils auraient payé s'il n'y avait pas eu l'affaire. Ouais, s'il avait acheté en février, et oui. Je suis d'accord. Et je pense que Nintendo, leur valeur, à mon avis, théoriquement à ce moment-là, en bourse, effectivement, de cette valeur-là. Mais si demain tu voulais vraiment racheter Mario. Honnêtement, la valeur de Mario, la licence Mario, elle est, enfin, je pense qu'ils peuvent claquer 140 milliards easy juste pour Nintendo. Hein. Ouais, c'est possible, t'as raison. Mais quand même, est-ce que c'est pas une des acquisitions les plus chères de la tech, même au-delà vidéo? Clairement, c'est des montants qui deviennent complètement délirants. Et en fait, ce qui est vraiment, ce qui est un peu effrayant effectivement avec tout ça, c'est que ça veut dire que tout est possible. Oui. Je veux dire, 70 milliards dans Activision, ça veut dire que Microsoft qui rachète Nintendo, mais c'est ça, en cash en plus. Mm. Et l'action a à peine baissé. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont sorti 70 milliards en cash de leur livret A. Et la bourse n'a quasi pas bougé. C'est absolument délirant. Et en plus, si tu regardes, enfin, Activision, c'était un des plus gros. Ubisoft, c'est 7 milliards. Square Enix, c'est 5 milliards, 6 milliards. Je veux dire, tout est possible. Microsoft, demain, il peut s'acheter Square Enix, mais comme ça, dans un battement de paupières. Ça ouvre la possibilité à tout et n'importe quoi. Et surtout... Pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pour dire que du coup, au-delà de Microsoft, c'est tout le secteur. C'est-à-dire que demain, pour moi, c'est aussi un message de Microsoft pour dire que... Enfin, ils veulent racheter Activision avant que quelqu'un d'autre la rachète aussi. C'est ça qui est en jeu. Ah oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'effectivement, si Microsoft est capable de débourser autant de pognon, je veux dire, c'est pas la seule GAFAM ultra riche, quoi. Je veux dire, Apple est ultra riche, Amazon est ultra riche. T'imagines qu'Amazon aurait pu se dire, ah bah tiens, je vais racheter Activision ou je vais racheter Ubisoft ou. Tout est ouvert, du coup. D'ailleurs, parce que ça risque de donner des idées à d'autres. Et du coup, ça. Enfin, t'imagines, enfin, je veux dire, et puis bon, je veux dire, le Game Pass, mais mec, le Game Pass est 25 millions d'abonnés, maintenant, là, actuellement. Mais t'imagines, avec les licences Activision Blizzard, mais ça va doubler. C'est complètement délirant. Ils ont 25 studios déjà, il me semble à peu près 25. Là, ils en rachètent quoi dans la foulée? Ils en rachètent, je sais pas, 14-15, un truc comme ça. Et en plus, ils ont King. Donc ça veut dire que de facto, ils sont présents dans le mobile alors qu'ils n'ont jamais été très très puissants là-dedans. Bah, ça a des implications, ça remue complètement l'industrie. C'est absolument... Et oui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu effrayant parce qu'en face, qui a les moyens? Certainement pas Sony. Hein. Ah bah c'est clair que oui, Sony, ça fait déjà, ils ont passé l'année 2021 à se renforcer comme ils pouvaient en rachetant des studios qui sont beaucoup plus maigres en termes de taille. Qui sont importants en termes d'estime critique, notamment, je pense aux développeurs de Demon's Souls, par exemple, qu'ils ont racheté l'année dernière, ou à celui de Returnal, qui sont des jeux qui ont reçu bonne presse, mais c'est la taille n'a rien à voir avec leur plus gros rachat récent, c'est Insomniac Games pour 220 millions de dollars, quoi. On est dans une autre sphère. Non, mais c'est ça. C'est presque ridicule, quoi. Et tu te rends compte, mais je veux dire, à quel point, à quel moment, on pourra dire, enfin, il faudra dire stop à quel moment, parce que ce sera dangereux. À quel moment le Game Pass deviendra dangereux pour l'industrie dans son ensemble? C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Microsoft, actuellement, même avec ce rachat-là, et c'est ça qu'ils vont pouvoir jouer auprès des instances et qui va faire que, à mon avis, le rachat va être validé, c'est qu'il reste que troisième du marché en intégrant le rachat d'Activision Blizzard. En termes de chiffre d'affaires, il reste troisième du marché derrière Sony et Tencent. Donc, malgré leur taille, à l'instant T, ils ne seront pas si hégémoniques que ça. Le truc, c'est que n'importe quel analyste, enfin, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est que, enfin, quand tu regardes la liste des studios et des licences qu'ils ont maintenant, enfin, c'est impossible. Enfin, je vois pas comment tu peux les arrêter. Genre, même Sony qui a la capacité de développer, de sortir 2-3 gros jeux par an. Là, on parle d'une machine qui, enfin, qui est capable de produire à la fois du Elder Scrolls, à la fois du Halo, à la fois du Warcraft et à la fois du Call of Duty, quoi. Enfin. Et Candy Crush. Et surtout, c'est des trucs, attends, c'est des machins qui vont devenir exclusifs. Parce que la dernière fois qu'ils ont racheté Bethesda, qui était 7 milliards de dollars, on peut en rigoler maintenant, hein, 7 milliards de dollars pour Bethesda, ils ont dit, non, mais notre but, c'est pas de, de lever le pain de la bouche des pauvres joueurs, on va rien faire. Ouais, tu parles, un an plus tard, le prochain Elder Scrolls, il sera exclusif, Starfield, il sera exclusif. Là, ils disent exactement pareil. Hein. Non, mais il y a une variété de plateformes supportées pour Activision Blizzard, il n'y a pas de problème. Tu vas voir dans un an, si ça se trouve, les Call of Duty passent full Xbox et PC. T'imagines le mal que ça va faire? Alors, pas dans un an, parce que le rachat sera en cours de se faire valider, oui, mais oui, t'as raison. Dans 2-3 ans, quoi. Ils vont attendre le bon moment. T'as raison. Je retiens, enfin, il y a deux choses en plus à dire, mais je retiens déjà la phrase de Phil Spencer au moment de la finalisation justement du rachat de Bethesda. Ça va un peu en écho à ce que tu disais, où il disait nous, on est prêt à sortir nos jeux sur toutes les plateformes tant qu'elles acceptent le Xbox Game Pass. Donc, autrement dit, enfin, là, en plus, avec le Activision Blizzard, c'est encore plus c'est une arme où PlayStation, ils peuvent aller voir PlayStation. Ah, pas de souci, Call of Duty, on vous le sort sur PlayStation 5, mais vous acceptez qu'il y a un abonnement Xbox Game Pass sur votre PlayStation, quoi. Et là, Sony, au bout d'un moment, ça va être compliqué quand la moitié du store, c'est des jeux Microsoft, quoi. Surtout que, au même moment, Sony a lancé, a dévoilé les jeux qui sont le mieux vendus sur PlayStation, et sans surprise, Call of Duty est dans le top, quoi. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Et j'aimerais juste rajouter le fait que Microsoft, évidemment, mise énormément sur le cloud, avec le cloud gaming. Que le rachat d'Activision Blizzard, c'est évidemment bon aussi pour les autres branches, genre d'un coup Azure qui va choper tous les serveurs Call of Duty vont tourner sur Azure. Donc en termes de clients aussi, ça fait tourner le carnet de commandes, c'est pas mal. C'est vrai, tiens. Et au-delà de ça, le cloud gaming, ça veut dire que potentiellement demain World of Warcraft est jouable sur n'importe quel smartphone, quoi. C'est délirant. On a aussi ce genre d'éventualité là. C'est délirant. Via xCloud, mais c'est délirant. Et sans compter qu'il faut quand même conclure là-dessus, Activision Blizzard, c'est une machine à cash. Oui, bien sûr. Donc ça va leur rapporter un max de thunes en plus. Ils vont rentrer dans leurs frais. Bon, il faudra plusieurs années pour rentrer dans leurs frais, mais c'est quand même une machine à cash, quoi. Et enfin, honnêtement, ouais, c'est. Du coup, à court terme, moi je suis content parce que sur mon Game Pass, je vais avoir des nouveaux jeux. Mais c'est vrai qu'à long terme, tu te dis, mais déjà, si c'est déjà monstrueux, putain, si ça continue comme ça, et puis, ouais, ils peuvent vraiment... Est-ce que c'est même pas tricher d'avoir la puissance financière de Microsoft derrière, quoi? C'est... Ah bah ça, bon. On leur a reproché de faire aucun jeu sur la génération précédente, ils ont pris note. Putain. Ah, vous en voulez du jeu? Eh bah écoutez, abonnez-vous. Écoute, je pense, et j'ai une pensée émue pour Google Stadia, qui va peut-être faire comme Arnaud Montebourg, et peut-être bientôt nous annoncer qu'il renonce, on verra. Quelques chiffres, points de repère, Facebook qui rachetait WhatsApp pour 22 milliards de dollars, c'était déjà énorme, et c'était que WhatsApp hein, en 2014. Effectivement, LinkedIn, c'était la plus grosse acquisition de l'histoire de Microsoft jusqu'à aujourd'hui pour 26,2 milliards de dollars. un tiers de Blizzard, c'est Activision bien. King. Le rachat de Slack, qui n'est pas si vieux que ça, par Salesforce pour 27 milliards de dollars. Je passe le top 3. Alors, le numéro 3, c'est AMD qui avait déboursé 35 milliards de dollars pour acheter Xilinx en 2020. Avago qui s'emparait de Broadcom pour 37 milliards de dollars en 2016. Et le numéro 1, c'était Dell qui achetait EMC pour 67 milliards de dollars. C'était en 2015. Donc effectivement, record absolu battu. ARM pour Nvidia, parce que là il y avait ARM pour SoftBank, c'était 31,4 milliards, mais Nvidia j'ai plus le montant, mais c'était pas 70. Mais c'est ça, c'est fou. Même un truc comme ARM, enfin c'est délirant, tu te rends compte de ARM? ARM, c'est l'architecture de tous les smartphones, c'est partout, c'est omniprésent, et ça vaut même pas, enfin ça vaut un petit peu plus de la moitié. D'Activision, de ce qu'il a déboursé pour Activision Blizzard, mais c'est hors de proportion, on est en roue libre. Si je peux rebondir une dernière fois justement sur ça, c'est le fait que, enfin je l'avais dit un peu en introduction, mais on est vraiment à un moment où l'industrie du jeu vidéo est en pleine consolidation, et il y a une sorte de bulle, enfin de course à l'achat de licences et de marques comme ça, Et il y a aussi un deuxième mot-clé qui vient en jeu, que je déteste, mais bon, qui faut le mentionner, c'est le métavers, puisque là, dans le rachat... Ah, il est dans le paragraphe du communiqué, paragraphe du communiqué Microsoft. Qui, pour moi, à mon avis, je ne veux pas croire sérieusement que Microsoft... Enfin, que Phil Spencer a vraiment l'idée du métavers quand il rachète ça. Je pense que c'est un mot-clé qui a servi à convaincre les investisseurs d'accepter de signer le rachat. Je pense pas qu'il soit dans la lubie du truc, quoi. Mais en tout cas, c'est clair que le mot-clé métavers fait vendre en ce moment auprès des investisseurs. Il y a les deux se rejoignent, en fait, la course aux licences et la course au métavers. Donc là en ce moment, ça va être vraiment la course au rachat de boîtes de jeux vidéo. D'ailleurs, l'action de Ubisoft, de EA et d'autres ont bien grimpé aujourd'hui à la suite du rachat de l'annonce du rachat, parce que c'est aussi le moment de parier sur qui sera le prochain, quoi. Ça me fait bien marrer cette histoire des métavers quand même, parce que le métavers tel qu'il était annoncé, c'était un truc décentralisé avec une blockchain au milieu, tu mettais des données dans la blockchain, c'est interopérable. Alors que là, ce qui est en train de se faire, c'est qu'en gros, t'as juste des éditeurs qui deviennent tellement immenses qu'ils peuvent faire des métavers à eux tout seuls. Tu sais, c'est le mec, tu prends ton perso d'Overwatch et tu vas jouer dans StarCraft dedans, quoi. C'est C'est un gros morceau qu'on se devait de relayer. On sent que dans les studios de développement de jeux vidéo maintenant, c'est travaille bien, sinon tu te feras racheter par Microsoft, ou au contraire, si tu travailles bien, tu te feras racheter par Microsoft, c'est selon les points de vue. Est-ce qu'il y a une dernière remarque avant qu'on... Alors déjà, Kassim, merci beaucoup de t'être joint à nous. Est-ce que tu as une dernière remarque, un dernier mot que tu voudrais imprimer pour nous au sujet de ce rachat avant qu'on te libère? Juste rappeler encore une fois qu'il y a l'avenir des employés qui m'intéresse par rapport à tout ça, et apparemment l'annonce du rachat, il y avait des employés qui étaient plutôt justement enthousiastes et optimistes à l'idée que du coup ça va changer enfin la culture de l'entreprise qui était un peu condamnée là, et de l'autre côté des employés qui sont plus inquiets, notamment parce qu'il y avait des procédures en cours de création pour la première fois aux États-Unis dans le jeu vidéo d'un syndicat fort pour protéger les employés, et tout ça c'est un peu remis en cause par le rachat, donc j'espère que in fine la situation s'améliorera. C'était une des rares portes de sortie possible pour les équipes chez Blizzard Activision King, et en l'occurrence c'est arrivé, alors que ça aurait été probablement assez impensable il y a de ça quelques semaines encore qu'ils puissent se faire racheter. Merci beaucoup Kassim, on te retrouve sur Frandroid pour notamment des articles sur ce sujet-là comme celui que tu as publié cet après-midi, ou sur ton compte Twitter Note Kassim. Merci beaucoup. À très bientôt, Kassim. Au revoir. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. On va. C'est vrai que c'est assez dingue. Je me rendais pas compte que c'était la plus grosse acquisition tech tout court, en fait. Bon, s'il y avait un truc à retenir de l'épisode, c'était ça. Mais quand même, on va passer à une autre brique qui se veut être axée un petit peu géopolitique, parce qu'on a des mouvements. Alors, vous le voyez assez souvent si vous suivez les sites d'actu, qu'il y a des mouvements, notamment de la part de la Russie, qui sont assez inquiétants vis-à-vis de mouvements qu'ils pourraient avoir. Finalement, plein d'actu qui tournent autour de la Russie et de géopolitique. Premier élément dans ce domaine-là, Guillaume, que tu as identifié et qu'on va pouvoir partager, c'est l'action de la Russie sur son propre sol, du groupe de ransomware Reveal, bon, tu le prononceras mieux que moi, qui a été démantelé. Et c'est assez dingue parce que c'était un sujet qui était fortement poussé par les États-Unis, et on aurait pu penser que la Russie aurait fait la sourde oreille simplement pour ne pas aller dans le sens des États-Unis, Guillaume. Ouais, moi je dirais Revol. Je pense que c'est un truc comme ça. Revol. Revol qui a terrorisé la planète pendant 3 ans, mais enfin c'est terminé. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voudrais dire si j'étais optimiste. Mais peut-être que je peux m'autoriser ce fol élan cette fois, parce que très étonnamment, c'est le FSB qui l'a démantelé directement sur les territoires de la mer Russie, Matushka Russia. Des opérations à 25 adresses, 14 arrestations, puis des belles saisies. Hein. 426 millions de roubles, 20 voitures de luxe. Je mets les roubles parce que ça paraît plus gros, en fait, c'est moins que ça, mais ça fait pas beaucoup un dollar, mais quand même. 426 millions de roubles, des voitures de luxe, du matos informatique, etc. Donc c'est une opération qui est vraiment inédite, hein, puisqu'on on a déjà parlé quand même de la politique du laisser-faire des Russes hein, vis-à-vis des pirates. Hein. Donc ils s'attaquent pas à des cibles russophones, en tout cas. Évidemment, ils se gardent de le faire, hein, c'est... Les chercheurs ont trouvé des mesures de détection, tu sais, dans certains logiciels de ransomware. Donc, ils restent gentils si, par exemple, l'angle du clavier ou du système, c'est le russe. Bon, il n'y a pas d'accord d'extradition entre les États-Unis et la Russie. Jusqu'ici, les arrestations avaient donc lieu hors de Russie, comme Ukraine, par exemple, récemment. Et là, je crois que c'est vraiment une première. Les US ont demandé à la Russie d'intervenir, et puis ils l'ont fait. Alors, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que Rival, c'était vraiment une plaie, depuis un petit moment. Alors, il est apparu en 2019, il faisait suite lui-même à Grand Crab, qui avait lui-même amassé près de 2 milliards en 15 mois d'activité. Donc, Rival, il avait repris le flambeau du ransomware as a service, hein, il était devenu la star un petit peu du genre, hein, des attaques qu'on a abondamment relayées ici, hein, vous vous souvenez, Quanta, Acer, Colonial Pipelines, bien sûr, autre attaque historique, JBS. C'est eux qui s'exprimaient d'ailleurs sur le fait qu'il y avait certains trucs sur lesquels éthiquement ils n'intervenaient voilà, pas après, par souci d'humanité. Juste après avoir coupé Colonial Pipelines, ouais, bon. Ils ont effectivement fait attaquer JBS et KCIA aussi. Mais bon, malgré les gros tics, il faut bien garder à l'esprit que Rival, c'est un ransomware parmi d'autres. Donc il y en a beaucoup plus, évidemment. Il y en a d'autres. On pense à Maze, on pense à Ryuk, à Netwalker ou WannaCry, hein, tout simplement. Donc les ransomware, c'est pas fini, ça c'est sûr. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que quand même, c'est pour la cybersécurité mondiale, parce que si ça se confirme, ça serait que la Russie commence à jouer le jeu, quoi. Elle commence à intervenir systématiquement. Hein. Si elle commence vraiment à intervenir systématiquement, bah, ça fait un refuge en moins pour les cybercriminels. Évidemment, la question se pose immédiatement, c'est pourquoi maintenant ? Alors, on a vu qu'il y a eu plein d'autres occasions, quand même, hein, récemment, de le faire. Ben, le plus évident, c'est la crise ukrainienne, évidemment, parce que c'est quand même tendu comme sujet. Biden et Poutine se sont parlé en tête-à-tête récemment. Quel type de négociations ont eu lieu ? Sur quel sujet ? Bon, officiellement, les US insistent sur le fait que le démantèlement des rivaux n'a rien à voir avec ça. Ils sont toujours sur la même ligne. Hein. Si la Russie envahit l'Ukraine, ils lui imposeront des « coups sévères », entre guillemets. Bon, de quel ordre, c'est dur à dire, mais c'est pas nécessairement d'ordre militaire, heureusement. Donc ça pourrait être d'ordre économique, logistique, interdire l'accès au réseau bancaire ou ce genre de choses. Mais bon, quoi qu'il en soit, si la Russie coopère avec nous sur la cybercriminalité, oui, on peut vraiment se permettre une dose d'optimisme mesurée mais significative. Optimiste, du coup, Baptiste, quand tu observes les mouvements géopolitiques en matière de tech et tout ce qui tourne autour de la Russie, est-ce que ça y est, il y a un avant et un après? On parle plus du rachat, hein, de Microsoft, mais un avant et un après les actions de la Russie en matière de cybersécurité? C'est dur à dire, parce qu'encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus une histoire de jeu géopolitique qu'un jeu tech. Je pense qu'il est important de vraiment dire, c'est la centralité des États dans ce truc-là. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des États, comme la Russie le faisait avant avec Rival, de tolérer ce genre de pratiques, bah ça met toute la planète en danger. Et donc la question, c'est est-ce que la Russie, effectivement, ils sont sérieux avec ça et ils le font de manière sérieuse, ils vont arrêter les criminels et ils laisseront pas d'autres groupes se reformer, ou est-ce qu'au contraire ils veulent se venger contre les États-Unis, ou s'il y a disons il y a d'autres manières, le vent géopolitique tourne, la Russie laisse de nouveau ces groupes se faire, ben je pense pas qu'on sera beaucoup plus avancé, et étant donné la situation actuelle, j'ai peur qu'on soit plutôt dans ce cas-ci que dans un cas plus optimiste. Ouais, il y a aussi des mauvaises langues qui pourraient dire que tout ça, c'est une action d'apparat et que, mais bon, il y aurait beaucoup de spéculations, et c'est difficile après de se baser sur des théories presque complotistes qui pourraient, pourquoi pas, arriver, hein, mais on pourrait s'imaginer aussi que tout ça, ce n'est qu'apparence et puis que derrière, il y a mise en place d'un autre groupe parce que comme ça, ils auraient donné un biscuit, quoi, ils auraient donné un os à ronger et puis ils repartiraient sur autre chose. T'as raison, le rôle des États dans ces dispositifs est évidemment central et puis il y a que le temps qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. On continue, Guillaume, on prend l'avion et on s'envole un peu plus loin. Ouais, la crise ukrainienne, c'est pas d'hier en fait, hein, puisqu'on en parle, c'est quand même un truc qui date de 2014 déjà. Donc voilà, cette année-là, souvenez-vous, c'est la révolution à Kiev, avec la mise au pouvoir d'un pro-européen. Donc il y a ensuite eu la crise de la Crimée, avec son rattachement à la Russie, hein, suite à un référendum qui est donc, disons, controversé, contesté. Mais bon, ça s'arrête pas là, puisque la révolte contre le nouveau gouvernement va dégénérer aussi dans l'est du pays, de la région du Donbass, à la frontière russe. Et c'est une région qui est à majorité russophone. Et donc depuis presque 8 ans, y a une guerre civile au Donbass, avec une alternance d'accalmie, puis ça repart. Une guerre civile à laquelle participerait la Russie, même si elle s'en défend, évidemment, mais bon, alors, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, donc je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus. Toujours est-il qu'il y a actuellement plein de militaires russes massés à la frontière de l'Ukraine, et que ça fout une ambiance un peu pourrie hein, depuis des semaines. Donc le but semble de faire les gros yeux, hein, globalement, et de rouler un petit peu des mécaniques hein, pour dégager l'influence occidentale en Ukraine. Donc ils regagnent une influence, conservant une zone tampon quoi, avec l'OTAN en somme. Hein. Donc faire les gros yeux, ça peut se faire de plein de manières. Donc évidemment, tu peux envahir la zone. Tu peux bombarder, c'est peu probable franchement, vu le rapport coût-avantage merdique d'une guerre ouverte avec les États-Unis et nous. Quoi. Mais bon, en coupant le gaz, tu peux déjà foutre bien l'ouaille dans le pays et créer une crise politique, et tu peux aussi faire des cyberattaques. Et la semaine dernière, 60 missiles gouvernementaux ukrainiens ont été piratés et vandalisés. Il y a eu des messages menaçants pour la population qui ont été déposés. Donc je cite, hein, « Ukrainiens, toutes vos données personnelles ont été rendues publiques, toutes vos données seront effacées, tremblez et attendez-vous au pire. » Bon, en fait, Bah, le pire n'est pas arrivé, puisque voilà, ça semblait être de l'intimidation pure. Mais bon, pour brouiller encore plus les cartes et leurs dessous, n'est-ce pas, les hackers ont laissé un message en ukrainien, en russe et en polonais, qui faisait directement référence à la Volhynie et à l'UPA. C'est l'armée insurrectionnelle ukrainienne qui s'est battue pendant et après la guerre contre les Allemands, les Polonais et les Russes. Or, cette UPA, elle avait aussi la réputation d'être antisémite et violemment anti-polonaise, à tel point qu'elle aurait perpétré des massacres de juifs polonais en Volhynie pendant la guerre. Donc, il serait possible que les hackers soient polonais. Cela dit, il se peut tout aussi bien qu'ils soient russes et que tout ça, ce soit juste pour mettre le bordel entre la Pologne et l'Ukraine. Comme un miroir du conflit en Volhynie, d'ailleurs, qui a été encouragé par les nazis qui occupaient la zone à l'époque. Mais bon, c'est pas fini. Le 13, les services de sécurité de Microsoft ont identifié une autre vague de malware qui cible l'Ukraine. Donc il se fait passer pour un ransomware, en fait, mais c'est pas le cas. Il ne fait que détruire. Il n'y a aucun espoir de récupérer les données, donc c'est un malware qui ne rapporte rien à personne, ce qui fait qu'il est une pure cyberagression. Donc de qui et pourquoi, pour le moment, il n'a pas été possible de le lier en groupe connu. Donc je reprends à mon compte les propos de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne, au sommet interministériel de la Défense à Brest, qui a dit « On n'accuse personne, on n'a pas de preuves, mais bon, on peut imaginer. » Ouais, effectivement. Baptiste, surtout, tu réagis quand tu veux et si tu veux à chacun de ces thèmes qu'on aborde en géopolitique et en tech sur ces sujets-là. On enchaîne en attendant, en se dirigeant vers le Salvador. Pourquoi le Salvador ? Bah, parce qu'il semblerait que Pegasus ait été très, très, très activement utilisé. Vous le savez, hein, Pegasus, c'est ce malware de NSO Group, qui est une entreprise israélienne, dont on a déjà parlé, qui a été cité dans plusieurs affaires d'espionnage d'ailleurs de journalistes, mais pas que, et de politique aussi, évidemment extrêmement décrié. Et donc on reparle de ça au Salvador, Guillaume. Ben ouais, parce qu'il y a des journalistes et activistes salvadoriens qui ont été ciblés par Pegasus. Et quand je dis ciblés, il faut comprendre arrosés à la lance incendie à peu près, hein, puisque certaines cibles auraient été infectées plus de 40 fois. Donc ça s'est passé entre juillet 2020 et novembre 2021. Ça a touché des journaux comme El Faro, Gato Encerado, La Pensa Grafica, bon, des indépendants, des ONG comme Fundación de TJ ou Cristosal. Oui, je sais, bon. C'est un accent de ouf, c'est bon portugais, ça. C'est pas très, très. Mais bon, en tout cas, très curieusement, toutes ces cibles avaient en commun d'être des structures, d'être en tout cas dans des structures révélant des infos sensibles sur le président Bukele, qui est, n'oublions pas, le dictateur le plus cool du monde, un titre qu'il s'est lui-même donné sur Twitter. Donc si vous voulez avoir une idée du niveau de coolitude et de dictatorialitude de Bukele, je vous laisse lire le long article de Citizen Lab, comme vous trouverez dans les notes de l'émission. Mais bon, on peut résumer ça en disant que Bukele est incontestablement un changement cosmétique important par rapport aux autres hommes forts de la région, mais que la pression sur les médias et les opposants semble que peu atténuée finalement. Donc saluons ici l'action d'Apple, qui a directement prévenu 23 victimes qu'ils avaient été infectés. Et rappelons que NSO Group est attaqué par tout le monde à peu près, Apple, WhatsApp, Meta. Même si c'est interdit par le fabricant, le malware commercial le plus puissant du monde est utilisé un petit peu partout pour des usages qui sont quand même souvent discutables. Alors, le gouvernement nie, bon, bien sûr, j'allais dire, avec deux arguments qui sont super convaincants, n'est-ce pas ? Puisque d'abord, il n'aurait pas les moyens. Ben oui, parce que acheter plein de Bitcoin, là, tu vois, lancer la construction de Bitcoinville et de Volcano Mining Facility, ça va, mais se payer une licence de Pegasus, ça c'est pas possible, donc ça doit être vraiment cher comme logiciel. Bon. Deuxième argument foireux, le ministre de la Justice salvadorien a été infecté aussi, parce que Bukele, c'est impensable qu'il espionne ses propres ministres, bien sûr. Alors que la justice, c'est justement ce que Bukele cherche le plus à contrôler. Donc Citizen Labs est clair, donc ils ont pu identifier un client dont l'activité est quasi exclusivement liée au Salvador, et en tout, 500 personnes ont été espionnées par Pegasus au Salvador. Mais alors, par qui ? Bah écoute, on peut imaginer. C'est un coup du sort, mais à chaque fois qu'on échange, j'ai l'impression ces derniers temps, Baptiste, ensemble pour un podcast, on se retrouve à parler de Pegasus. Il me semble que c'était le cas sur un épisode il y a de ça quelques mois, si je dis pas de bêtises. Ton observation, c'est de dire que Pegasus, on va le voir apparaître de plus en plus souvent maintenant dans l'actualité, ou quand même ça va commencer à se voir à force ? C'est dur de prédire parce que maintenant Apple a quand même mis, je pense, c'est quand même des failles qui ont été rebouchées, donc c'est dur de savoir s'il va encore y avoir beaucoup de cas. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que Guillaume disait, c'est que le logiciel a été utilisé contre les conditions d'utilisation, ce qui montre encore une fois que, une fois qu'une faille elle est dans la nature, une fois qu'un protocole est violé, ou une fois qu'on a un hack, une fois qu'il est dans la nature, c'est impossible de mettre des conditions d'utilisation dessus, de dire oh il peut que être utilisé par les autorités, il y a que les gens bien qui vont l'utiliser. Enfin ça c'est une illusion, et je pense que c'est important de le redire aussi. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des Nesso Group de mettre en place des conditions aussi farfelues et c'est bien de les afficher parce que après tout c'est rassurant pour qui s'intéresse un peu au sujet, mais quand tu creuses derrière c'est absolument pas tenable effectivement. On va parler un petit peu de crypto-monnaie parce que ça mine, ça ne mine plus, ça remine Guillaume. Ouais, petit entrefilé crypto hein, puisqu'on parle du Salvador. Un entrefilé, tiens, c'est joli comme nom, ça donne faim un petit peu, hein. Ça sonne oui, comme une pièce de viande un petit peu. Hein. Ça paraît mignon en plus. Un truc entre le filet et l'entrecôte. Ouais, ça s'appelle le faux filet en fait, mais bon. Bon, refermons cette parenthèse. Tu t'y connais en bouche. Parenthèse vegan pour prendre des nouvelles des cryptos, hein, puisqu'on parle de bouquet. Donc le début de l'année n'a pas démarré très fort pour le Bitcoin d'ailleurs. Une révolte violente au Kazakhstan a abouti à une coupure d'internet et à l'effacement de 18% du hashrate du Bitcoin qui revient peu à peu. Mais bon, la peur de nouvelles instabilités pousse les mineurs à regarder où l'herbe pourra bien être plus verte. Hein, et c'est pas au Kosovo qui a tout simplement pas assez de courant pour sa population et qui donc interdit purement et simplement le minage. Et donc ça sème la panique parmi les pros. Bon. Au-delà des tribulations du Bitcoin, plus intéressant je trouve ou plus inquiétant, c'est l'extension de la crypto-monnaie Signal au monde entier. Alors, concrètement, Signal implémentait, il implémente hein, désormais le rêve de Facebook hein, avec Libra Diem. Donc c'est une monnaie internationale hein, qui s'échange directement et simplement via une appli de chat. C'est le mobile coin, donc vous pouvez déjà l'utiliser avec Signal hein, en l'activant. Vous allez acheter le token dans les quelques bourses qu'il propose. Et donc le coup d'éclat final de Moxie Marlin Spike, hein, qui s'était beaucoup impliqué dans le projet et qui d'ailleurs quitte la direction de Signal qui va laisser temporairement à Brian Acton, c'est l'extension au monde entier, voilà, ça y est, de ce token, le mobile coin. Alors, pour les considérations écologiques, hein, je précise que mobile coin est basé sur la blockchain Stellar, qui n'est pas proof of work. Donc elle utilise un algorithme de consensus qui est le Federated Byzantine Agreement, qui n'est donc pas non plus une proof of stake, c'est le concept qui est utilisé dans Ripple, en fait, hein, Stellar y en est très proche. Mais bon, bref, Stellar n'utilise que très très peu d'énergie par transaction, c'est infime par rapport à Bitcoin, donc... Un bon point. C'est pas ce qui est inquiétant avec Mobilecoin, c'est pas ça en fait. En fait, le problème vient du fait que Mobilecoin, c'est un croisement entre Ripple et Monero. Donc, dans le sens où c'est une monnaie où les transactions ne sont pas traçables. Donc, Signal veut totalement transposer le principe d'anonymat de la messagerie sur les transactions monétaires. Donc, Mobilecoin, il est anonyme et intraçable. Alors que Bitcoin, lui, en comparaison, il est pseudonymique. Et tout est ouvert, tout est traçable. Donc, ça rend la monnaie à la fois plus pure, si on donne à l'anonymat le maximum d'importance, mais ça la rend aussi beaucoup plus sujette aux critiques. Bah alors, c'est parce que c'est pas un hasard si Monero est une monnaie très prisée des cybercriminels. Hein, Mobilecoin pourrait devenir leur chouchou aussi, finalement, très rapidement. Et c'est pas pour caricaturer quoi que ce soit. Je veux dire, les gouvernements de plein de pays essayent chaque année de casser les chiffrements de bout en bout. Chaque année, c'est systématique. Ça repart en Angleterre. Là, au Royaume-Uni, j'ai vu qu'il y a des dispositifs légaux. Exactement. Qui visent, encore une fois... Et ça reviendra. Et là, non seulement Moxie rajoute une crypto à Signal, alors que déjà, elles n'ont pas une très bonne réputation, mais en plus, il rajoute une crypto qui est totalement opaque, à dessein. Signal, est-ce qu'elle tendrait pas le bâton pour se faire battre ? Tu vois, les banques sont contraintes à des règles de transparence, il y a des raisons à ça. Est-ce que Signal sera utilisé pour de la cybercriminalité, pour passer des fonds entre gangs ? Bien sûr que oui. Ce sera pas uniquement le cas, évidemment. Il faut pas, je suis pas en train d'essayer de caricaturer le mobile coin, mais évidemment, ça sera aussi le cas. Et ça va donner un angle d'attaque pour tous les gouvernements du monde entier contre Signal lui-même, contre le chiffrement dans son ensemble. L'inquiétude, finalement, c'est que mobile coin devienne une sorte de talon d'Achille de Signal et des Signal de toutes les autres messageries. Donc c'est un petit peu cette inquiétude-là qui moi, me préoccupe. Baptiste, est-ce qu'il y a un enjeu autour des échanges comme ça d'argent, de monnaie dans les applications ? Je pense peut-être plus largement aux applications mobiles, mais on parle évidemment de ce qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux. Combien de fois on a échangé sur ce type de sujet pour Facebook, pour Twitter, etc. Est-ce qu'il y a un enjeu comme ça pour démocratiser, repenser, révolutionner l'échange de monnaie dans le monde à travers ces applications-là ? Et est-ce que tu penses que la proposition de Signal, elle est pertinente, ou est-ce que tu partages un peu les inquiétudes de Guillaume ? Oui, enfin qu'il y ait un sujet sur la révolution dans les paiements, dans le qu'est-ce qui vient après ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la carte de crédit et des systèmes qui sont quand même assez fermés, centralisés sur des grosses banques, souvent chères. Clairement, il y a quelque chose. L'une des possibilités qui existe, qui est vraiment, enfin dont on parle pas beaucoup dans les podcasts tech, et c'est peut-être dommage, c'est c'est des systèmes de paiement qui sont émis par les banques centrales. Par exemple, au Brésil, il y a un système de paiement qui existe depuis un an. Que la moitié du pays utilise, enfin c'est assez fou. La banque centrale américaine pense aussi à des technologies comme ça, la banque centrale européenne aussi, où au lieu d'utiliser... Chinoise aussi, non ? Pardon, je dis des bêtises. La Chine aussi. Le yuan, ouais. Exact. et où le but, c'est de remplacer finalement les intermédiaires de paiement classiques par la banque centrale. Et de la même façon, mais effectivement, ce serait pas anonyme comme les celles de Signal. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est désirable d'avoir une monnaie, d'avoir du cash numérique? Parce que c'est vraiment ça la promesse de Bitcoin. Et encore plus cette technologie comme le mobile coin ou Monero qui voulait anonymiser ça. Mais est-ce que c'est désirable? Et je pense que c'est une question un peu comme l'encryption de bout en bout finalement. Est-ce que c'est vraiment désirable de ne pas réussir à rentrer dans le téléphone des criminels s'ils font quelque chose? Et j'ai vraiment du mal à me positionner là-dessus parce que d'un côté, j'ai envie de dire oui, il faudrait qu'on arrive à échanger de la valeur sans que le gouvernement puisse le voir ou que ce soit anonyme. Mais d'un autre côté, le risque lié à ça, il est assez grand pour la société. Moi, en fait, je me pose toujours la question, et puis bon, je développe pas plus ce genre de sujet parce que ceux qui connaissent l'étendue de mes activités comprendront pourquoi je peux pas aller à 100% sur ces terrains-là. Mais ce qui m'interpelle toujours, c'est de me demander, est-ce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, un vrai écueil autre qu'un problème de vision, de concept, que d'avoir des échanges de monnaie qui soient très, très centralisés. Oui, l'abus de tarif, ça peut clairement être un argument. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des enjeux forts? Et je me rappelle que j'ai pas une position complètement arrêtée sur le sujet parce qu'on a déjà débattu dans d'autres épisodes du rôle du cash, du rôle de cet argent qui, justement, par définition, est anonyme et donc permet des transactions en toute confidentialité. C'est presque, j'allais dire, parfois le même enjeu que le cash, ces sujets-là. Ça permet l'anonymat et les échanges de transactions sans intermédiaire, sans autorité qui puisse rentrer en friction avec l'achat, avec le paiement que je fais. Et en même temps, il y a quand même aussi des services qui sont amenés par ça et un certain nombre de protections en société. Donc, le débat n'est pas si facile finalement. Je pense qu'il y a vraiment de ce que tu dis, Guillaume, il y a deux choses et je pense que ce serait bien de ne pas les mélanger. C'est-à-dire que d'un côté, il y a centralisé versus décentralisé. Tu as la monnaie de la banque centrale ou le Bitcoin, par exemple. Tu vois, c'est deux choses qui sont l'une est centralisée, l'autre est décentralisée, mais aucune des deux n'est anonyme. Et finalement, la différence entre les deux, les avantages ou les inconvénients, c'est quelque chose de finalement très technique. Tu vois, quel est le protocole le plus efficace, quel est celui qui a les meilleures garanties, lequel est celui qui a la plus grande fiabilité, etc. Et de l'autre côté, tu as la question de est-ce qu'on devrait reproduire cette fonctionnalité du cash qui est d'être complètement anonyme et intraçable. Et ça, c'est vraiment... Autant la première, c'est une question technique et c'est pas forcément intéressant pour la société, autant l'autre, c'est une question qui fondamentalement, je pense, c'est une question de liberté et de l'individu qui, à mon avis, est intéressante et à laquelle on n'a pas répondu. Sachant que le cash n'est pas totalement ni intraçable ni non régulé. Enfin, je veux dire, tu peux pas. C'est vrai aussi. Tu peux pas retirer 2 millions d'euros en cash à ta banque et tous les billets sont numérotés. Donc, il y a quand même. Effectivement. Effectivement, le débat n'est pas si simple, on ne va pas se lancer dans un épisode qui est déjà bien complet sur ces enjeux-là, qui nécessiterait qu'on en parle plus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et si le sujet vous intéresse, évidemment, abonnez-vous à Tech Café si ce n'est pas déjà le cas. On a une petite section scandale Facebook de la semaine. Oui, on continue à les appeler Facebook, hein, scandale Facebook de la semaine. On commence par Jedi Blue, Guillaume. Bah, tu sais que j'ai complètement oublié de renommer en SNS, je suis désolé. Non, mais gardons le SFS parce que ça part de l'époque où Facebook s'appelait Facebook. Donc pour moi, c'est cohérent pour l'instant. Donc petite section SFS rapide alors. Ouais, on va parler de Jedi Blue, l'entente cordiale et illégale, hein, supposée entre Facebook et Google pour les pubs. Donc simplement, Facebook avait des prix sur les impressions pub qu'il gagnait plus facilement s'il utilisait les bourses de Google. Les bourses aux pubs, bien sûr, de Google. Rien de nouveau, sinon que l'entente aurait été connue, voire conçue carrément directement par Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg et Sundar Pichai. Donc maintenant, c'est personnel. Les CEO des boîtes sont directement mouillés dans l'histoire. Bon, sinon la FTC est officiellement autorisée à poursuivre Meta en antitrust pour l'acquisition de WhatsApp et Instagram. Pour résumer là encore, la FTC avait déjà tenté de le faire il y a 13 mois, mais avait sorti un dossier tellement nul qu'il avait été retoqué par le juge. Donc une page de stade de Comscore plus tard, j'exagère même pas, hein, le juge accepte que la FTC poursuive les accusations sur un procès qui est de moins en moins pertinent chaque année, hein, puisque voilà, souvenez-vous, WhatsApp c'était quand même en 2012, Instagram en 2014, c'est-à-dire que c'est une affaire qui vient à peine de commencer et qui a déjà 10 ans. Et en 10 ans, le marché a déjà changé, et nous doute qu'il changera encore pendant des années, hein, les années que durera la procédure. Bon, d'ici là, Facebook devenu Meta, donc évidemment sera sous le coup d'autres attaques, hein. Mais cette fois en VR probablement, parce que finalement c'est déjà le cas de cette même FTC, hein, entend en ce moment même les développeurs VR qui se plaignent d'être désavantagés par Meta, hein, s'ils font des logiciels qui concurrencent ceux de la boîte, en l'occurrence Gigodin, qui est pareil, ou Gigodin, je ne sais pas s'il est français ou pas, qui voulait faire une fonction de streaming de jeux du PC vers le casque, fonctionnant qui est donné par Meta maintenant. Et on peut aussi mentionner d'autre part que Meta a racheté un nombre inquiétant de studios verts, hein, lui aussi, hein, Within dernièrement, mais aussi Big Game, Beatbox, Ready at Dawn, bien d'autres. Hein. Donc voilà, le temps que la FTC développe son argumentaire antitrust sur les réseaux sociaux, Meta sera en monopole sur autre chose, et peut-être en danger d'ailleurs vis-à-vis de TikTok sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être que aussi la FTC a compris, et peut-être qu'elle va aussi se bouger plus vite pour éviter d'avoir une guerre de retard à chaque fois. Ce qui est compliqué dans les sujets antitrust, on l'a vu avec l'affaire Epic Apple, c'est la définition du périmètre, la définition du marché. Et alors là, sur un truc aussi compliqué que la réalité virtuelle slash le métavers slash les casques, etc., j'ose même pas imaginer. Je pense que les mecs, ils ont des dossiers qui constituent, puis ils disent « Ouais, range ça au placard pour dans quelques années, quand je serai remplacé, quelqu'un s'en occupera. » Mais ce domaine-là des casques et de la VR, je pense qu'il est vraiment hyper intéressant d'un point de vue antitrust parce que le marché, il est créé par Facebook globalement. Aujourd'hui, un énorme pourcentage du marché, c'est quoi ? C'est les casques Meta qui sont vendus à prix coûtant, voire à perte. C'est-à-dire que si Facebook n'était pas là, si Meta n'était pas là, ben, il n'y en aurait juste pas. Et donc, est-ce qu'on peut les accuser d'avoir un monopole là-dessus ? Est-ce qu'on peut dire, faire de l'entente ? Enfin, j'ai vraiment du mal à me positionner là-dessus parce que c'est un marché qui est petit et ouais, c'est... Enfin... Bah, j'aimerais bien, effectivement, c'est vrai que tu pars du principe et tu as probablement raison que Meta est dominant sur le sujet. Je sais pas si tu as des data, Guillaume, sur le sujet, mais bon, non, j'ai mais en c'est tête. Clair. C'est clair, oui, entre, d'accord, oui, Oculus, okay. Oculus, enfin, les casques Oculus étaient les casques les plus vendus, et puis les casques Quest se vendent relativement bien. Ils sont effectivement vendus à perte, puisqu'évidemment Meta peut le faire. Donc oui, pour truster le marché, hein, classique, donc c'est très très probable. Alors évidemment, en volume, les PSVR sont probablement... Ah, parce qu'il y a du volume de PSVR, effectivement. Mais ouais. Bon, c'est, comme ils ne sont pas autonomes, c'est un peu, tu vois, je ne sais pas si on peut vraiment les comparer. Quoi. Donc un sujet qui se constitue pour les Tech Café dans quelques saisons, on aura des procès antitrust sur les activités de réalité virtuelle, qu'on aura vu naître comme ça sous nos yeux. On fait un petit détour du côté de l'activité... à l'aune des actions coercitives des États-Unis vis-à-vis de la Chine, Guillaume, on a quelques petits enseignements maintenant sur ce qui se passe. Ben oui, mais qu'est-ce que serait une section internationale sans des nouvelles de la Chine, hein ? La Chine, c'est le nouvel ennemi de la guerre froide moderne et qui est bien embêté par les sanctions américaines, hein, et la mise à l'index du monde des semi-conducteurs, n'est-ce pas ? Bon, ben en fait, oui, mais pas tant que ça. Et puis ça pourrait ne pas trop durer. Parce que si on regarde l'ensemble du volume de vente des appareils électroniques de marque chinoise, on est passé de 13 milliards en 2015 à 40 en 2020, avec une croissance de 30% par an. La croissance des boîtes électroniques chinoises, c'est monstrueux, c'est deux chiffres, ça, c'est la norme. HiSilicon, par exemple, croît de 22% à 7 milliards et demi de chiffre d'affaires, hein. SMIC de 36%, ZTE de 118%. Alibaba, Baidu se portent à merveille, ils conçoivent de plus en plus de puces maison, eux aussi. Donc le secteur pourrait devenir le troisième mondial dès 2024 à ce rythme. C'est-à-dire juste derrière la Corée et les États-Unis. Pour le moment, SMIC excepté, hein, la plupart des boîtes sont en faiblesse. Donc ça veut dire qu'elles ne fabriquent pas elles-mêmes leurs puces, qu'elles doivent faire appel à des prestataires étrangers. Et donc vous pourriez dire, ça y est, c'est ça, voilà la faille. Eh bien oui, pour le moment, mais la Chine veut construire pas moins de 28 usines dans tout le pays pour 26 milliards de dollars d'investissement. Alors ça ne va pas les mettre au niveau de TSMC pour le haut de gamme, c'est vrai, mais ça va rapidement les rendre indépendants sur des process matures. Ça s'appelle les process matures, c'est-à-dire ces process qui sont... comment dire, pas top niveau, pas haut de gamme, mais qui sont très très utilisés dans une foule de produits. En fait, en volume, c'est même les plus utilisés. Donc c'est ceux qu'on retrouve dans l'électroménager, dans les voitures, dans l'internet des objets, dans les gadgets un petit peu secondaires, etc. Et donc les usines prévues couvrent tous les secteurs d'ailleurs, hein, analogiques, les GAN, tous les senseurs, les MEMS, les électroniques de puissance aussi. Et donc, si en 2024, un GPU top moumoute ne va certainement pas pouvoir être construit en Chine, il y a quand même un nombre impressionnant de produits et d'équipements qui vont être conçus de A à Z en Chine. Donc, une guerre froide qui, pour le moment, ne fait qu'accélérer le développement chinois. Et c'était presque, j'ai l'impression, une des premières hypothèses que tu avais formulées, je me rappelle, quand on avait commencé à voir se dessiner cette guerre commerciale. Donc, c'est intéressant, là aussi, de le voir se concrétiser, en tout cas, se faire mesurer par des chiffres. Eh ben, écoute, je vous invite, vous qui écoutez le podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, au moins une fois dans votre vie, c'est important, il faut avoir fait cet objectif-là au moins une fois dans sa vie, allez lire les notes d'émission de Tech Café, du podcast, et vous comprenez encore mieux l'enchaînement des des rubriques et surtout regardez bien les intitulés des rubriques. Je suis toujours émerveillé par la créativité, la plume de Guillaume, faut que j'aspe pas là à ce sujet. On passe à une rubrique un peu plus matérielle. On le disait tout à l'heure, on mentionnait en tout cas ARM et le rachat par Nvidia il y a de ça encore quelques minutes, et puis on en parle de toute façon assez régulièrement. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé pour dire que, contrairement à ce qu'on disait dans les derniers épisodes, à savoir que ça sentait peut-être le sapin, bon, il est plus enthousiaste, et surtout peut-être même que Nvidia qui rachète ARM, ce serait peut-être la meilleure chose qui pourrait leur arriver, Guillaume. Mais bien sûr. Non, évidemment, c'est un gros deal. On a dit c'était 40 milliards de dollars. L'ampleur du deal fait peur, hein, parce qu'il y a quand même deux géants, ARM et Nvidia, qui fusionneraient. C'est un moitié de Blizzard Activision. On va tout comparer. Blizzard Activision, ça va être formidable. Donc ouais, enfin bon, en tout cas, ça donne une entité qui sera encore plus puissante que chacune des deux parties. Ça interpelle les autorités de la concurrence, celle d'Angleterre précisément, qui gèle pour le moment le rachat, le temps d'enquêter. Alors comme tout le monde utilise ARM, Nvidia lui-même ainsi que ses concurrents, c'est vrai que s'il possédait ARM, il aurait la possibilité de s'avantager par rapport aux concurrents, puisqu'il se retrouvait dans la position de leur vendre des technologies dont ils ont vitalement besoin. Bon, sur cette base, les Anglais sont pas chauds pour autoriser la vente, mais Nvidia a un autre argumentaire qui revient à dire « Je le fais pas pour moi, je le fais pour lui. » Et je le fais pour vous. Pour la noblesse du geste. Précisément, il dit que ARM appartient à SoftBank, qui désire le vendre de toute façon. Donc si Nvidia ne le rachète pas, c'est des fonds d'investissement qui le feront, et comme on les connaît, ils vont demander le plus de rentabilité possible, et ça ne va pas encourager l'innovation et la prise de risque. Alors que lui, Nvidia, il est déjà rentable. Il veut au contraire mettre en synergie les forces créatrices des deux entreprises pour permettre au meilleur d'émerger et tirer toute l'industrie vers le haut. Oui. Derrière la com, c'est convaincant, en fait. Non, mais technico-commercial, c'est un métier, hein, qu'est-ce que tu crois? Décoller. Donc d'autre part, Nvidia dit aussi que s'il commence à déconner avec ses clients en ayant ARM sous le coude, à essayer de leur faire à l'envers, ils vont juste aller voir ailleurs. Chez Intel par exemple, qui met les bouchées doubles en ce moment, et lui, Nvidia, en fait, il perdrait des clients, de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Donc, on verra si l'argumentaire porte chez la CM1, qui sont d'ordinaire zéro tracas, zéro blabla. Ah non, c'est pas eux, pardon, c'est désolé. Ouais, je sais, ils ont changé il y a 10 ans déjà, mais... C'est pas très bon, ça. Désolé. Je la valide pas. Mais c'était bon pour le geste, là aussi. C'est un sujet, là aussi, hein, à surveiller, Baptiste, le rachat de ARM. Moi, je sentais vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était parti pour ne pas se faire, du coup. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas si ça t'inspire, Baptiste. Dur de faire des paris, enfin, on en parlait déjà il y a longtemps. Il y a longtemps. Oh, il y a au moins un an, du coup. Ouais, il y a au moins un an. Ça s'est toujours pas fait, donc... Écoute, je parierais pas. Disons, je parierais pas d'argent ni d'un côté ni de l'autre. Mais comme Jensoon le dirait peut-être, il faut laisser le temps au vin pour se faire le bon vin de se construire. Il faut laisser. Et pour libérer les forces créatrices. Oh oui, c'est très important. Mais très convaincante la prise de position. Intel, Guillaume, redouble ses efforts, hein. C'est quelque chose d'assez récurrent dans Tech Café qu'on dit dans les derniers épisodes. Bah, de toute façon, en ce moment, le monde des semi-conducteurs, c'est comme un gros combat de catch. Voilà, t'as des mecs monstrueux qui font rouler les pectoraux, qui se font des prises de malade avec des bras gros comme deux fois mes cuisses. À gauche, j'ai Intel, le géant bleu, l'ogre de Santa Clara. Elles sont énormes. Bon, l'ogre de Santa Clara, il a été blessé quand même la dernière saison, mais il revient avec une grosse prise classique, les investissements massifs et les usines géantes. Et donc, paf, hein, bientôt, une usine de 20 milliards en Ohio, sans doute près de New Albany. Une usine grande comme une petite ville. Mais bon, on se ramollit pas. Au passage, il met les doigts dans les yeux d'Apple. Le petit nouveau, hein, tu sais, le maraîcher sexy de Cupertino, là, tout en bronzage californien, qui vient de se lancer dans le combat lui aussi, mais Intel est sans pitié, puisqu'il vient de lui rafler un ingénieur de premier plan qui s'appelle Jeff Wilcox. Eh oui, c'est vrai. Celui-là ça. Même qui a conduit Apple à se lancer dans l'arène de la fabrication des puces maison. Donc Jeff est désormais pas chez Intel, où il va diriger le design de puces. Bon, évidemment, c'est son cœur de métier, quoi. Alors, c'est pas une fatalité, mais c'est donc coup bas, et pourtant l'arbitre laisse passer sans problème. Il faut dire qu'il en a vu d'autres, hein, puisque Microsoft, lui-même, le colosse de Redmond, a fait la même chose avec Mike Filippo, pareil, un architecte des CPU. On peut dire que les anciens sont pas tendres avec les nouveaux combattants, mais c'est normal, parce que dans l'arène, il n'y a pas de sentiment, c'est le combat, c'est la guerre. Microsoft et Intel sont dans le même camp, donc ce sont des faces, Apple aussi d'ailleurs, tous sans le montrer, ils suivent à grosses gouttes devant le plus puissant et pitoyable des heels. On n'a jamais connu plus puissant le dragon de feu infernal qui brûle, le TSMC. Parce que les experts prédisent que la demande en PC portable va stagner cette année, hein, voire légèrement baisser par rapport au très très haut qu'on a en 2021. Mais le dragon, il s'en fout. Voilà, il va faire une soumission à Intel à coût de 44 milliards d'investissements cette année contre 30 l'an dernier, une quinzaine seulement en 2019. Il est hors de contrôle lui aussi, je sais pas ce qu'ils ont tous, c'est TMC sous anabolisant. Donc il veut non seulement soumettre Intel, mais aussi le géant de Séoul, hein, le Samsung, dit le renard à neuf queues. Pourtant, Laurent Armella, je passe à peine, hein, puisqu'il est investi comme un malade lui aussi, mais est-ce que ça suffira? Quand le Dragon TSMC a vu son bénéfice augmenter de 16% au dernier trimestre, TSMC veut mettre un plafond de verre au-dessus de ses concurrents. Voilà. Quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Donc le suspense est intenable, donc retrouvez-nous la semaine prochaine pour le prochain match de la Ligue des semi-conducteurs des catégories poids super lourds. La question que je me faisais, Guillaume, c'était le rôle d'une personne comme Jeff Wilcox. En fait, j'ai toujours du mal à me rendre compte de ce que représentent les savoir-faire d'une personne dans une entreprise pour un tel sujet. En fait, de manière très caricaturale, dans mon esprit, un responsable du design, tu vois, un communicant, etc., on peut comprendre immédiatement. Enfin, moi, je le perçois, en tout cas, sa patte, son orientation, etc. J'ai du mal à identifier le rôle que peut jouer un Jeff Wilcox dans de la conception de puces. Et il y a probablement beaucoup de naïveté et de méconnaissance de ma part. Bah, il va devenir CTO, donc ça veut dire qu'il va diriger l'architecture globale des puces et les stratégies de développement des puces aussi. Il a probablement, il connaît très très bien les puces Apple, il sait très bien qu'est-ce qui marche, donc je pense que c'est une bonne recrue, ouais. Oui, toujours un sujet que tu suis aussi, je sais, hein, Baptiste, au moins en trame de fond, je sais que c'est un sujet que tu suis régulièrement. Ouais, clairement, c'est vachement intéressant parce que un peu comme le jeu vidéo finalement, les semi-conducteurs, ils sont vraiment dans une phase de transformation, notamment pour Intel où il y a d'un côté la pression du capital juste d'arriver à investir autant que TSMC, et de l'autre côté aussi la pression technologique parce qu'il y a vraiment je pense, on en a déjà parlé souvent, mais la séparation entre la partie fabrication des puces de chez Intel et du design où maintenant leurs puces, les processeurs Intel sont gravés par TSMC pendant les prochaines années parce qu'ils n'ont pas, étant donné que leur capacité de fabrication est à la traîne, du coup ils vont aller demander à TSMC, et ça demande non seulement un changement en interne de mentalité, mais aussi, et je disais ça aujourd'hui, des nouveaux outils, parce que le faire fabriquer ses puces par quelqu'un d'autre, ça demande d'avoir toute une stack d'outils de conception qui sont vachement différents, et en fait c'est aussi ça que Intel il court après finalement, c'est à la fois cette partie capitale, créer des nouvelles usines, et ça c'est pas évident, et de l'autre côté de changer la façon dont l'entreprise fonctionne, à utiliser des standards, des outils ouverts que le reste de l'industrie utilise. C'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas quand tu fais ce genre de move, t'es pas simplement dans le sous-traitement, ouais. Appeler un sous-traitant à faire le boulot, une partie du boulot à ta place, mais ça demande aussi à ce que tu t'adaptes pour gérer ça. C'est intéressant effectivement. Comme Microsoft, enfin si je peux juste terminer là-dessus, c'est ce que disait l'analyste, le Ben Thompson, il est assez connu, et il expliquait un peu, c'est comme Microsoft quand ils sont passés de la philosophie de Windows First, tu sais, avant que Satya Nadella n'arrive, où c'était tous nos produits, on les développe pour Microsoft et pour Windows, et notre avantage c'est qu'on a tout la plateforme, où ils sont, et alors qu'ensuite ils sont pivotés sur le cloud, où le but c'était uniquement d'utiliser des outils Microsoft sur n'importe quelle plateforme, et c'est un peu la même chose finalement qu'Intel doit faire maintenant. Et on a vu qu'ils le font aussi, évidemment, pour le jeu vidéo, du coup. Et justement, on va aussi vous parler un petit peu de jeux vidéo pour conclure cet épisode. Guillaume, ça va être la fête des acronymes. Je crois que tu avais un défi de tes proches qui t'ont demandé de placer le plus d'acronymes possible pour les traitements de rendu graphique pour les jeux vidéo. Et on va faire un petit courant du côté de... Alors, enfin, notamment, on va faire des échos au DLSS, hein. Ouais, Nvidia a lancé une nouvelle version de ses pilotes qui amène avant tout un tas de nouveaux acronymes, hein, c'est super. Donc le premier, c'est le DLDSR. Attention, tenez-vous bien, c'est le Deep Learning Dynamic Super Resolution. Ah, dit comme ça, ça paraît simple, ok. Bon, le Dynamic Super Resolution, c'est un truc connu en fait, hein. Ça permet de suréchantillonner un jeu pour le rendre plus beau et plus fin. Mais qui dit suréchantillonnage, dit donc augmenter la résolution de l'image, et ça, Nvidia, il le fait méga bien avec ses réseaux de neurones super malins qu'il met dans son DLSS, justement, pour Deep Learning Super Sampling. Alors pourquoi pas faire pareil avec le suréchantillonnage des jeux, au lieu de que les jeux soient effectivement rendus, disons, à deux fois la résolution, puis remis à la résolution native de l'écran pour des rendus plus nets. Bon, on rend le jeu à 1,5 fois, donc voilà, et puis ensuite on utilise l'algorithme de Deep Learning pour passer à deux fois, et puis on revient à la résolution native. Donc le résultat, c'est le même, ou quasiment c'est imperceptible, mais le rendu se fait sur 1,5 fois plus de points au lieu de deux fois. Donc vous avez un suréchantillonnage moins cher. Et bon, mais pas que ça. GeForce Experience vous offre encore plus d'acronymes avec le SSAO, le SRTGI, et voilà, alors SSAO, SRTGI, ça devient difficilement radiophonique, là. Parce que tout se place dans l'espace écran, donc comprendre les pixels de l'image avec leur profondeur. Donc l'avantage, c'est que ça peut s'appliquer en toute fin de rendu, et donc s'intégrer facilement à des jeux des jeux qui ne sont pas prévus pour. Alors c'est pour ça que tout ça commence par SS, parce que c'est Screen Space. Donc le premier, donc, c'est le SSRTGI, c'est Screen Space Ray Traced Global Illumination, et c'est un filtre qui rajoute des éclairages indirects en ray tracing, mais en utilisant uniquement les infos qui sont dans Screen Space, c'est-à-dire un espace en 3D, certes, mais qui est avec des informations très partielles. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est aussi beaucoup moins précis, mais ça mérite d'exister, quoi. Et puis dans le même goût, vous avez le SSAO pour Screen Space Ambient Occlusion, qui à l'inverse rajoute des ombres là où les objets se touchent, là où il y a un effet d'occlusion, quoi. Et on a aussi le DDOF, donc le Dynamic Depth of Field, qui est un effet de profondeur de champ. Voilà. Donc ces filtres, on les doit au modeur Marty McFly, qui est l'odeur du très célèbre Reshade. Je parle les connaisseurs apprécieront. Donc ils ont le bon goût d'être applicables sur des vieux titres aussi, donc ça veut dire que tu peux améliorer facilement le look de jeux qui sont un petit peu anciens sans forcément en plus mettre le feu à ta GeForce. Tant mieux, c'est malin, hein, cette exploitation comme ça de ressources en jeux vidéo pour les améliorer au goût du temps et au goût des nouvelles technologies. Un petit mot, évidemment, c'est important, autour des NFT, et il me semblait avoir entendu, Guillaume, il me semblait, hein, avoir entendu dans des précédents épisodes que non, ces gars n'iraient pas sur ce terrain-là. Qu'apprends-je dans cet épisode, Guillaume ? Oui, petit follow-up, je disais la semaine dernière tout le bien que je pensais des NFT de Konami sur Castlevania, et alors c'était une enchère, donc elle est terminée. Et donc combien ça lui a rapporté ? Et alors je fais pas de juste prix, puisque vous avez évidemment les chiffres, hein, c'est 162 000 $, enfin son équivalent en Ether. Donc oui, c'est un succès, hein, 160 000 balles pour 14 gifs et vidéos, ils auraient quand même eu tort de s'en priver. Alors, ce qui est hallucinant d'ailleurs, c'est le prix moyen des articles, du coup, hein, c'est 12 000 $ en moyenne, et jusqu'à 26 000 pour la carte du premier épisode sur NES. Alors mieux, s'ils sont revendus, Konami peut palper 10% du prix de revente. Alors, je sais que vous vous attendez peut-être à ce que je m'énerve. En fait, non. Déjà, mon cœur s'est endurci et mes larmes se sont asséchées, et c'est mieux comme ça. Fait du yoga. Des NFT, on va en bouffer à toutes les sauces cette année. Sega, donc, effectivement, qui se tâtait la semaine dernière, il vient de déposer un logo pour la marque, hein, genre, ils ont vu le bouton de Konami, ils ont dit, écoute, Jean-Mi, vas-y, fais péter un logo viteuf, parce qu'on va pas rater ça. C'est évident que tout le monde va s'y mettre. Ça coûte que dalle. Hein, il doit falloir 48 heures, voire moins, pour pondre ce qu'a fait Konami. Hein. Donc, la rentabilité horaire, je te dis pas, elle est nickel. Donc, ce genre d'initiative ne concerne non plus finalement pas les joueurs, parce que c'est pas un jeu, hein, c'est pas une partie de jeu, c'est pas des niveaux, c'est rien. Puis surtout, les NVO de prix sont hors de portée de toute façon. C'est-à-dire, ce sont pas des joueurs qui ont acheté les JPEG Castlevania. Quels joueurs peuvent et veulent de toute façon mettre 12 000 balles dans un JPEG ? Franchement, personne. Ou virtuellement personne. Ceux qui ont acheté ces trucs et les ont payés en Ether, parce qu'ils ont déjà des Ether, ou de la crypto en général. Qui d'autre que des nouveaux millionnaires en crypto peuvent larguer ce genre de somme sur ce genre de trucs ? D'ailleurs, les NFT pour les joueurs, donc ceux d'Ubisoft par exemple, où il faut jouer au jeu pour pouvoir les acheter, bah eux ils se vendent pas. Donc ces NFT finalement c'est qu'une option de diversification pour ceux qui ont des cryptos, hein, mais au passage Konami a capté un petit bout de cette richesse virtuelle. Peut-être qu'il a capté, qu'il a réalisé, en revendant les Ether immédiatement, je suppose qu'il l'a fait, c'est pas, ça j'en sais rien. Donc voilà, en fait finalement, je m'en foutrais un peu si le seul problème c'était que pas si c'était sur Ethereum, quoi. Donc si c'est sur Ethereum, cette plaisanterie ça consomme des gigawatts. Donc ça gonfle toujours autant, mais bon, tout le monde s'en fout, alors bon. Peut-être, Baptiste, je sais pas si t'as un regard sur les NFT, parce qu'on est toujours très critique, très sceptique. Après, le problème, c'est qu'on relaie aussi toujours que des conneries. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas l'actu des NFT au sens large qu'on serait emporté. Il y a assez peu d'actu NFT que je vois passer, que je trouve intéressante. Quoi. La plupart du temps, ce qui ressort le plus, c'est des conneries comme ce jeu, comme a fait Konami, quoi. C'est vraiment dommage. Ou le scandale de Troy Baker, qui est aussi très dommage, en fait, parce que, bon, finalement, on passe peut-être à côté quelque chose. Enfin bon, je vais en parler après. Non, je suis d'accord. Enfin, j'ai un peu perdu la foi, je dois dire. Au début, tu sais, c'est vrai. Au début, tu te dis, ouais, ça va être cool. Il y a des idées et tout, des choses qui sont possibles. Et puis après, le souci, c'est que il y a tellement de. En fait, c'est ça le souci. C'est qu'il y a tellement d'argent à se faire que ce que tu entends, c'est ce qui fait de l'argent. Et ce qui fait de l'argent, en général, c'est ce qui n'est pas très intéressant. Ouais. Quoi, parce qu'on est en phase où ce qui est vraiment nouveau, en fait, c'est les choses dans lesquelles les gens n'investissent pas. Et ouais, du coup, c'est beaucoup de bruit et. Ouais, un peu triste. C'est difficile. Mais promis, on continue à en parler, ne serait-ce que parce qu'il y a un côté rigolo à en parler. Hein, peut-être un peu désespérant, mais aussi un peu rigolo, c'est un peu une forme de signature. Mais aussi parce qu'on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc n'hésitez pas, évidemment, à nous partager des éléments pertinents. Guillaume, toujours sur les NFT. Oui, Troy Baker. Donc Troy Baker, tout le monde le connaît, tout le monde défaille en entendant sa voix virile dans un nombre incalculable de jeux. Et presque autant de blockbusters, hein, mais personne n'est à l'abri d'un faux pas, c'est pas toujours facile de choisir ses partenaires commerciaux comme il faut. Donc là, il aurait pu se douter d'ailleurs que c'était un petit peu casse-gueule, parce que bon, Troy est une voix, il a fait la promotion sur Twitter d'une boîte qui veut créer des NFT sur des voix. Bon, comme ça va être très souvent le cas cette année, préparez-vous, hein, la boîte en question fait exactement la même chose qu'une autre, mais il rajoute soit Verse, soit NFT dans son nom, soit les deux. Et donc là, on a Voiceverse NFT. Les deux, c'est un bon combo. NFT. Ouais. Voiceverse NFT, on a un carton plein, ah, c'est quand même pas mal. Et donc, cette boîte veut créer des clones de voix célèbres en mettant NFT dessus. Bon, cloner des voix avec de l'IA, c'est déjà fait par une demi-douzaine d'autres boîtes. Hein. On en a même parlé ici. Il y en a Resemble AI, Voice AI et 15 AI. Donc, Voiceverse NFT vole tout simplement la technologie. Le propriétaire de 15 AI, il n'est pas content du tout. Comme toujours, même avant que la supercherie soit découverte, les NFT ont provoqué des réactions très négatives, puisque l'aspect opportuniste de l'affaire était quand même un petit peu trop visible. Bon, là encore, c'est dommage, parce que, je veux dire, encore une fois, on va le répéter, j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vrai que, évidemment, si tu veux, comme qu'à chaque fois, enfin, très souvent, quand je parle des NFT, c'est des conneries, donc j'ai l'air de m'énerver dessus, mais en fait, un NFT, je veux dire, je suis pas contre les NFT, ce serait contre, je sais pas, ce serait contre être, comme être contre les post-it, tu vois. C'est débile d'être contre les post-it. Je déteste les post-it. Non, les post-it, ça dépend où tu les mets, ça dépend ce que tu écris, ça dépend pourquoi tu t'en sers. Là, c'est un peu pareil. Bon, mon image est sans doute mauvaise, mais... Non, je la trouve très bonne, au contraire. C'est un NFT, oui, ben, NFT, c'est un smart contract sur une blockchain qui peut servir à... Oui, qui peut effectivement servir à plein de trucs, parce que c'est hyper général. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, et donc un NFT, il peut être très utile, comme il peut être complètement vide. Et le truc, c'est que bon, bah, il suffit de trouver des applications qui soient intéressantes quoi, dessus. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas des masses. Alors, Voiceverse NFT, pour le coup, sur le concept de Voiceverse NFT, bon, le fait qu'ils évoluent la technologie, évidemment, c'est un scandale, mais le fait qu'ils veuillent utiliser des NFT pour faire des certificats d'authenticité sur des voix, moi, j'en veux en savoir plus, en fait. Parce que je ne sais pas exactement comment ils comptaient s'y prendre. Parce que faire un profil de voix, avec un modèle IA, ça demande du calcul, ça demande des données aussi, tu vois. Donc, les données, tu les mets où? Parce que ton profil de voix, si tu veux le mettre sur la blockchain, ça va prendre de la place. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'on peut le faire? C'est pas clair. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, tu vois, c'est pas très clair. Donc, s'il n'y a pas le profil de voix dans le NFT, tu le mets où? C'est encore un NFT avec une URL dedans, tu vois, comment ça marche? Donc, ça aurait été bien, en fait, ouais, qu'il y ait un petit peu plus d'infos sur comment ça fonctionne, en fait, et voir si c'était vraiment intéressant, s'il y avait vraiment du potentiel au-delà du scandale. Le nom donne un indicateur, mais je vous laisserai juger. Puis après, sur vous faire des NFT, c'est pas possible. toujours pareil, hein, Baptiste, tu réagis quand tu veux, mais je pense d'ailleurs, Baptiste, tu n'as jamais eu l'occasion, je pense, de tester Second Life. Tu es trop jeune pour ça, Baptiste. Non, Second Life, ça fait partie de ces choses, tu sais, les références que beaucoup de gens utilisent et que je connais que comme une référence à quelque chose, tu vois. Oh, c'est genre, à chaque fois qu'on parle de trucs un peu monde virtuel et tout, ah, c'est comme Second Life, et je suis là, ouais, ok, c'est comme Second Life, si vous le voulez. Ouais, alors bah il faut une dose de repères historiques, effectivement, tu les as pas vécus. Alors moi, j'ai pas passé mon temps dans Second Life, mais ça fait partie des trucs quand même que j'avais expérimenté, que j'avais utilisé, pas longtemps, mais bon. Et peut-être que quand on dit justement l'image du métaverse, ah oui, c'est comme Second Life, et ben justement, Guillaume. Ouais. Oui, ben métaverse. Mon introduction était éloignée. Non, pas du tout. Métaverse, tout ça, évidemment. Donc, bon, évidemment, métaverse oblige. Linden Labs retrouve son papa, qui s'appelle Philip Rosedale, puisqu'il revient, voilà, pour il revient comme conseiller stratégique. Donc, il était parti fonder une autre boîte qui s'appelle iFidelity et qui avait, il avait commencé à s'éloigner du projet Second Life vers 2009. Et donc là, il revient après avoir fondé des tas de trucs. Alors, à la clé. De l'argent frais hein, pour Linden Labs et des brevets. Donc iFidelity a fait de la VR au début de la hype, en fait, hein, vers 2014. Et puis après, bon, on se souvient, hein, il y a eu le gros scope de la hype, croissance assez molle. Donc ils se sont réorientés, et d'ailleurs dans l'article, j'ai aussi découvert Sansar. Alors Sansar, ça a été lancé par Linden il y a 4 ou 5 ans, et c'est ni plus ni moins que Second Life en VR, en fait. Donc en 2019, tu pouvais déjà aller dans un café Hello Kitty avec d'autres gens, en VR, sans souci. Et là, je me dis, mais en fait, Facebook, il lui reste quoi? Je comprends pas. Les utilisateurs. Donc voilà, VR, mis à part, Linden Labs veut profiter pour croître, en fait, hein, pour faire croître Second Life avec et sans VR. Donc le but, c'est de porter Second Life sur mobile, avec des options sympas. Et finalement, c'est vrai que ce sera certainement plus efficace pour augmenter sa base d'utilisateurs que de requérir un casque, ça c'est sûr. C'est certain. Et puis on va clore cette rubrique jeux vidéo. C'était pas pur et dur du jeu vidéo, hein, vous l'avez compris, mais ça tournait autour du jeu vidéo et de l'expérience vidéoludique. Mais là, on revient les deux pieds dedans avec Fortnite qui lui-même revient sur iOS. Mais oui, enfin, si vous aimez jouer à Fortnite et que vous êtes absolument vissé à votre iPhone, vous êtes malheureux parce qu'il n'y a plus Fortnite de Epic qui s'est fait bannir de l'App Store. Mais il y a enfin une solution. Enfin, bientôt. Enfin, peut-être, Guillaume. Mais oui, on a parlé beaucoup de jeux vidéo en un show. Je crois que c'est un des c'est vrai, un des ça, épisodes ça compense, où on a le plus parlé de jeux vidéo, en fait. Mais bon, voilà. Effectivement, Fortnite arrive sur GeForce Now et ça veut dire qu'on peut jouer à Fortnite avec n'importe quelle patate en streaming, y compris l'iPhone. Et oui, Safari permettra bientôt de streamer Fortnite chez Apple, malgré la grosse dispute avec Epic, qui dure depuis presque 2 ans maintenant. Donc voilà, pour l'instant c'est une bêta fermée, ça devrait arriver bientôt pour tous. GeForce Now est gratuit dans son offre de base, je le rappelle, avec des sessions d'une heure de jeu maximum, et avec de l'attente aussi, du coup, puisque pour avoir un accès prioritaire au serveur, ça coûte 8,33€ par mois, et pour ce prix, tu as une RTX déjà et du 1080p. Si tu veux du 1440 et une 3080, par contre, c'est 16€ par mois. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Nvidia, je le précise. Comme aucun des épisodes. Effectivement. Ça fait cher, le ban d'Apple quand même. Ouais, c'est vrai. T'as raison, t'es vrai. Je trouve que d'ailleurs, cette info du retour de Fortnite par voie de service de streaming sur l'iPhone, alors qu'il s'est fait bannir, mis à l'aune du premier sujet qu'on a traité dans cet épisode, c'est-à-dire comment Microsoft investit lourdement et très très lourdement pour garantir l'accès à son service de jeux vidéo, est assez intéressant à croire que la boucle est bouclée. Baptiste, je sais pas si t'as un mot de la fin, que ce soit sur les jeux vidéo, sur cet épisode, avant qu'on fasse le tour un peu du courrier des lecteurs et des incontournables de ces fins d'épisode. Non, je crois pas. En tout cas, je pense que cet aspect jeu vidéo, il est très intéressant. Et puis, ça va être cool de voir. Enfin, moi, je suis très excité de voir comment est-ce que ça va évoluer. Qu'est-ce que dans 5 ans, ce sera. Et franchement, moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer. J'ai longtemps été, petite confidence personnelle qui vaut ce qu'avoue, mais j'ai longtemps été, le jeu vidéo, évidemment, ça m'habitait depuis petit. J'ai jamais été un énorme joueur, sauf quand j'ai passé à peu près 80% de mes journées sur World of Warcraft, mais heureusement, je me suis soigné. Mais j'ai mis énormément de temps à me rendre compte, et c'est Guillaume Poggiaspala, en préparant les émissions de Tech Café, qui m'a fait m'en rendre compte. J'ai mis vachement de temps à me rendre compte à quel point le jeu vidéo était un marqueur important pour comprendre l'attaque. D'une part, parce que c'est les jeux vidéo qui contribuent à faire progresser la puissance de l'informatique. Inversement, la puissance de l'informatique amène à des nouveautés dans les jeux vidéo, et on voit encore une fois aujourd'hui à quel point ça prend une dimension supplémentaire dans les acquisitions et dans les accès aux services. Donc c'est intéressant de suivre à chaque fois les jeux vidéo dans les podcasts tech, dans l'infotech en général. Un petit mot du coup, quelques petits retours rapides. Donc on a eu un retour de Manu qui parlait de Analog Pocket, Guillaume, que tu avais relayé dans le précédent épisode, dans la rubrique là aussi jeux vidéo, et qui corrigeait, donc c'était cette machine qui permettait de faire tourner virtuellement plein de trucs avec une restitution graphique de l'écran qui vous promettait une expérience digne des premières consoles, des premiers Game Boy, etc. Et il précisait qu'on pouvait faire tourner absolument. Il disait qu'on peut faire tourner les jeux Game Boy Advance sans problème dessus, et que c'était pas limité à la Game Boy et à la Game Boy Color. Donc voilà, une précision qui nécessitait d'être faite. Mais tout à fait. Je pensais l'avoir faite, mais si je l'ai pas faite, je suis impardonnable. Donc merci, c'est agréable d'avoir des auditeurs qui sont j'allais dire pointilleux, mais en fait c'est plutôt très attentif, c'est très très bien. Et c'est d'autant plus cool. Précieux si vous-même, quand vous écoutez, vous avez des remarques, ne vous restreignez pas et dites-le nous, c'est important. Il y a aussi Emric qui a déposé un commentaire qui rebondissait sur le Samsung Freestyle Pico Projector, donc là le projecteur qu'on avait mentionné comme étant un élément assez phare du CES, où en fait il nous a posté une vidéo que vous pouvez aller voir qui montre, alors c'est une personne qui suit vachement cette actualité-là et qui montre à quel point ce produit est hyper cher pour ce qu'il fait, et que vous trouverez au moins aussi bien ailleurs pour moins cher. Ça paraît trivial de le dire comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on peut le dire pour plein de produits qui sortent, mais là c'est vraiment marquant de comprendre pourquoi, avec les différentes caractéristiques qui vont bien. Et surtout il est beaucoup trop sombre, la résolution est faible, il est très sombre en plus. Il n'y a pas assez de luminosité et il est très cher. Et enfin, on a une personne que j'ai contactée au sujet de la numérisation à très très haute définition là, du tableau de Rembrandt. Donc Cyril Press, je pense que c'est quelqu'un qu'on refera intervenir peut-être dans un Tech Café week-end. Mais il disait à quel point il ne fallait peut-être pas se baser que sur le gros chiffre, notamment de la part des journalistes qui relaient ce genre de choses, et qu'il faut aller creuser un petit peu derrière, parce qu'il y a de la restitution qui peut être beaucoup plus plus qualitative, avec lui des restitutions pour le même tableau qu'il aurait pu faire, et on voit son travail hein, sur certaines livraisons qu'il peut faire de plus de 2 terapixels, donc 2000 gigapixels de bien meilleure qualité, et qu'il l'aurait fait en une semaine et pas en plusieurs mois. Donc c'est toujours marrant de mettre parfois les infos tech qu'on a en perspective d'autres connaissances. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Si vous avez des réactions à faire sur cet épisode, n'hésitez pas, vous pouvez les faire sur techcafé.fr dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, et vous pouvez aussi nous solliciter peut-être individuellement les uns les autres. Baptiste, merci évidemment beaucoup d'avoir consacré un petit peu de temps ce soir à Tech Café, parce que d'habitude c'est NipTech, mais je sais que cette semaine tu es libéré d'une session NipTech, donc j'en ai profité pour te convier et venir intervenir à nos côtés. Est-ce que tu peux justement nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben oui, comme tu l'as dit, sur niptech.com, c'est là où vous trouvez le podcast, sous n'importe quelle bonne app de podcast. Si vous avez Tech Café, vous devriez trouver NipTech. Et moi, mon Twitter handle personnel, c'est @bfreight, F-R-E-Y-D-T. Mais c'est pas, disons que je suis pas très actif sur Twitter. Mais abonnez-vous, parce qu'un jour Baptiste va se rendre compte qu'il faut un qu'il jour. Prenne la parole à titre individuel pour faire rayonner sa marque personnelle. Et là, vous ferez partie des gens qui verront apparaître les tweets pertinents de Baptiste. Exactement. Tout aussi pertinents que ses interventions des podcasts. Merci beaucoup. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver peut-être, là je te pose la question, en 2022, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur internet? Écoute, moi je pense que je vais aller chez Microsoft et savoir s'ils veulent pas racheter tes cafés pour, mais, oh, alors, oui, franchement, c'est une idée ça. Franchement, je pense que, allez, le milliard, ça suffit. Oui, oui, on n'ira pas jusqu'à solliciter les 70 milliards. De toute façon, ils n'ont plus d'argent. Ils ont les poches vides. On le sait maintenant. Ou pas, on verra. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cette émission. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Et peut-être même, si vous aimez la domotique, restez à l'affût, là. Dans quelques jours, vous allez avoir une belle interview pour Tech Café Domotique. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.